Cependant, la baronne, au cours de ses visites charitables, a fini par retrouver son mari, qu'elle ramène chez leur fils. Lisbeth, déjà bien malheureuse du bonheur qui luisait à nouveau sur la famille, ne put soutenir cet événement heureux. Elle empira si bien qu'elle fut condamnée par le médecin à mourir une semaine après, vaincue au bout de cette longue lutte marquée pour elle par tant de victoires. Elle garda le secret de sa haine au milieu de l'affreuse agonie d'une phtisie pulmonaire. Elle eut d'ailleurs la satisfaction suprême de voir Adeline, Hortense, Hulot, Victorin, Steinbock, Célestine et leurs enfants, tous en larmes autour de son lit, et la regrettant comme l'ange de la famille. Le baron Hulot, mis à un régime substantiel qu'il ignorait depuis bientôt 3 ans, reprit de la force, il se ressembla presque à lui-même. Cette restauration rendit à Adeline heureuse à un tel point que l'intensité de son tressaillement nerveux diminua. Elle finira par être heureuse, se dit Lisbeth la veille de sa mort, en voyant l'espèce de vénération que le baron témoignait à sa femme, dont les souffrances lui avaient été racontées par Hortense et par Victorin. Ce sentiment hâta la fin de la cousine bête, dont le convoi fut mené par toute une famille en larmes. Tout sembla aller bien, jusqu'au jour où Adeline découvre la liaison de son mari avec une fille de cuisine. Elle en meurt de chagrin. 3 jours après, Hulot disparaît à nouveau. Son fils apprend son remariage avec la fille de cuisine. Les ancêtres peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants, mais les enfants ne peuvent pas empêcher les folies des ancêtres en enfance, dit maître Hulot au maître Popineau, le second fils de l'ancien ministre du Commerce, qui lui parlait de ce mariage.